les dissimulent comme des perles rares. Pourquoi font-ils tant de calculs? Les filles sont plus généreuses, les filles elles ne regardent pas à la dépense. Et leurs larmes sont plus précieuses que tu ne le penses. Une seule larme parlons, pas de rivière. Il faut que tu leur perces 36 trous dans leur cœur de pierre. Les filles sont moins étonnantes, les filles elles nous font de somptueux mélos. 100 000 âmes au minimum et de la plus belle eau. Toutes les filles.